Je sais que tu as un problème, tu as une difficulté. Profite de cette atmosphère pour chercher la face de ton Dieu. Et lui dire, Mungu ni weye njowa mjusa. Weye njowa kusema na kutenda. Bantu banesha kusema. Bantu barinilaka vya kunilaka. Bantu barifanya vya kufanya. Na maisha yangu haibadiliki hapana. Maisha yangu haishanje hapana. Wamesema ripiba, lakini wanashinda. Sasa mimi na reconnect nasema wewe ndio wakusema na kutenda. La Bible me dit que c'est toi le secours de ceux qui sont dans la détresse. Ce ne sont pas les médecins qui sont le secours de ceux qui sont dans la détresse, mais c'est toi le véritable Dieu. Ah, ah. Oh. Thank you.